de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Jack London écrivait : J'aime mieux être un météore superbe, chacun de mes atomes rayonnant d'un magnifique éclat, plutôt qu'une planète endormie. La fonction de l'homme est de vivre, non d'exister. Je ne gâcherai pas mes jours à tenter de prolonger ma vie. Je veux brûler tout mon temps. S'il est bien un auteur dont l'œuvre et la vie sont indissociables, c'est London. Une vie sur l'origine et la fin de laquelle planera d'ailleurs toujours un mystère. La vie d'un homme exceptionnel, sans doute plus qu'aucun autre de son temps, dans une Amérique à la croisée des deux siècles. Jack London, l'enfant du rêve américain, mais aussi de son cauchemar, écrit Michel Lebris. Une vie courte, de 40 années, tellement dense, violente, riche d'aventures et de voyages, que l'on pourrait la lire comme un roman, au risque de la confondre avec l'œuvre. En 1989, pour éclairer cette œuvre imposante, aussi célèbre que mal connue et souvent mal perçue, France Culture descendait le cours de l'existence hors du commun de Jack London. Une vie, une œuvre, Jack London, par Geneviève Ladouès et Isabelle Huel. It had snowed during the night and he was completely buried. The snow walls pressed in on either side and a great surge of fear swept through him. The fear of the wild thing from the trap. It was a token that he was harkening back through his own life to the lives of his forebears. For he was a civilized dog, an unduly civilized dog. And of his own experience knew no trap and so could not of himself fear it. The muscles of his whole body contracted spasmodically and instinctively. The hair on his neck and shoulders stood on end, and with a ferocious snarl, he bounded straight up into the blinding day, the snow flying about him in a flashing cloud. Here he landed to his feet. He saw the white camp spread out before him, and knew where he was, and remembered all that had passed from the time he went for a stroll with Manuel to the hole he'd dug for himself the night before. Une vie, une œuvre. Jack London, une émission de Geneviève Ladouès et Isabelle Huel. J'ai lu un seul livre lorsque j'étais enfant et ça a été le premier choc de ma lecture, le premier grand choc de mon enfance, de personne qui lit. C'est The Call of the Wild. Alors bien entendu que maintenant je lis avec l'accent anglais, bien entendu, et qui s'appelait en français, c'est un aussi beau titre en français, L'Appel de la Forêt. Et alors L'Appel de la Forêt, c'est peut-être le premier livre que j'ai vraiment découvert, que j'ai dévoré. Qui m'a dévoré, littéralement, qui m'a envoûté. Quand je réfléchis, rétrospectivement, je me dis, mais dans le fond, je viens de le relire, là, en anglais, j'ai lu que celui-là, je vous avouerai, c'est un grand livre. C'est pas un grand livre, c'est une grande, grande histoire. Grande petite histoire, puisqu'elle fait pratiquement 40 à 50 pages, simplement. Mais elle est remarquable. Je suis sûr que c'est ce qu'il a fait de plus beau, Jack London, en tant qu'écrivain. C'est vraiment c'est là qu'il tient son écriture. C'est nerveux, c'est plein de verbes musclés, exactement comme les muscles du chien là qui tire le traîneau. Ça part dans la neige, ça fait valser, gicler la neige, et ça monte vers le nord. On ne sait pas véritablement s'il est le fils de John London ou de William Chaney. Et d'ailleurs, London passera une partie de sa jeunesse à essayer de rechercher son père. Il lui écrira même à l'âge de 20 ans pour savoir si William Chaney était véritablement son père ou non. Et ce même mystère qui entoure les origines, on le retrouve dans la mort, puisque jusqu'à présent, personne n'a jamais pu déterminer s'il s'agissait ou non d'un suicide. Cette naissance un peu mystérieuse, cette recherche de paternité constante, est-ce qu'on la retrouve dans son œuvre ? Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle existe au niveau concret, si vous voulez, d'une recherche du père, peut-être même au sens psychanalytique du terme. Hein. Mais je crois qu'on le retrouve au niveau de l'inadaptation à l'environnement, au monde moderne. Je veux dire par exemple qu'il y a des romans de l'inadaptation et de l'inadaptation surmontée, comme par exemple L'appel de la forêt ou Cro-Blanc, qui se concentrent sur le passage possible d'un état civilisé à un état sauvage, ou inversement de l'état sauvage à l'état civilisé. Mais en tout état de cause, on trouve toujours des personnages, même si ce sont des animaux, ou des héros, disons, qui souffrent d'être en porte-à-faux avec leur environnement et qui cherchent donc à s'adapter à l'environnement. Donc c'est en ce sens que London a peut-être traduit ce sentiment d'incertitude, ce sentiment de gêne vis-à-vis de la société, même de la société californienne de son époque. Malgré toute ma répugnance pour la boisson, j'avoue que les moments les plus ensoleillés de ma vie d'enfant, je les ai passés dans les débits. Juché sur les lourds chariots de terre, je disparaissais dans le brouillard et j'avais les pieds engourdis faute de mouvement. Les chevaux martelaient, sans se presser, le chemin creux dans les collines de sable et une vision radieuse m'empêchait de trouver le temps long. C'était la salle d'auberge de Colma, où mon père, et à défaut, l'homme qui conduisait, ne manquait jamais de s'arrêter. Je descendais aussi pour me chauffer près du gros poêle et manger un soda cracker. J'aimais les saloons, en particulier ceux de San Francisco. Là s'étalaient les plus délicieuses friandises. Pain de fantaisie, crackers, fromage, saucisses, sardines, toutes sortes de mets étonnants que je n'avais jamais vu sur notre pauvre table. Je me souviens qu'une fois, un tenancier de bar me prépara un verre de sirop et de soda. C'était une boisson douce, non alcoolisée. Mon père ne la paya pas. C'était la tournée du bistrot. Je l'idéalisais depuis comme le type du brave homme. Pendant des années, ce personnage hanta mes rêveries. Je n'avais que 7 ans à l'époque, et je puis encore me le représenter nettement, bien que je n'aie jamais levé les yeux sur lui que ce jour-là. La taverne était située au sud de Market Street, à San Francisco, du côté ouest de la rue. Le bar se trouvait à gauche en entrant. À droite, contre le mur, le comptoir où l'on pouvait se servir à volonté une collation à toute heure. C'était une pièce longue et étroite. Au fond, plus loin que les barils de bière à la pression, on apercevait des petites tables rondes et des chaises. Le tenancier avait des yeux bleus et des cheveux blonds et soyeux qui débordaient d'une casquette de satin noir. Je me rappelle qu'il portait un gilet de laine brun et je sais l'endroit précis, au milieu de cet arsenal de bouteilles, d'où il retira celle qui contenait le sirop rouge. Lui et mon père causèrent longtemps. Pendant ce temps-là, je dégustais mon délicieux breuvage, tout en vénérant l'homme. Et pendant des années, j'ai respecté sa mémoire. Oh, John Barleycorn, old and young. young, his praise is sung, John Barleycorn. To see him in his pride of growth, his robes are rich and green. His head is speared with goodly beard, fit nigh to serve the Queen. And when on s'est souvent demandé s'il n'y avait chez London que l'homme d'action, un petit peu comme chez Hemingway, et que son œuvre entière était inspirée par non seulement les circonstances de sa vie, mais également son action en tant qu'écrivain engagé ou en tant que voyageur. Alors bien sûr, London s'est lui-même défendu d'avoir puisé de façon trop précise dans sa propre biographie pour écrire ses romans, mais il est certain que si l'on observe chacun de ses romans, que ce soit au niveau de l'action pure, c'est-à-dire de l'intrigue, ou au niveau de la signification symbolique ou philosophique des romans, on retrouve des aspects de sa personnalité. London démarre très tôt dans la vie, puisque très tôt il se met à travailler, et que très tôt il mène une vie aventureuse, c'est le moins que l'on puisse dire. À quel moment commence-t-il à écrire ? On a l'impression qu'il y a quand même de toute façon, très rapidement chez lui, une sorte de parallèle entre cette vie d'aventure, cette vie où il essaie de survivre aussi, cette lutte pour la vie, et l'écriture. C'est vrai, il a commencé à travailler pratiquement dès l'âge de 13 ans, puisqu'il a été employé dans une conserverie maritime à Auckland en 1889, où il travaillait d'ailleurs d'arrache-pied, enfin 10 heures par jour ou 12 heures par jour pour un salaire de misère. Donc il a tout de suite intégré un monde de labeur qui est celui des ouvriers exploités. Hein. Son passage à l'écriture, c'est un peu une façon pour lui, au départ, de s'extraire de la routine et de l'horreur du travail en usine. C'est à la fois une échappatoire, hein, un peu de la même façon que son attirance pour la mer est aussi une forme d'échappatoire. Il va très tôt se lancer, pas sur les océans, mais il commence à faire ses premières armes de marin avec la patrouille de pêche qui circule dans les eaux de la baie de San Francisco. Et ce sera, je pense, sa première expérience à la fois d'un travail en plein air, donc d'un travail moins astreignant que le travail en usine, et d'autre part, une ouverture sur le monde naturel, disons, enfin sur la mer, la nature, les éléments qu'on ne contrôle pas. Donc il va commencer par être d'abord pilleur d'huîtres, c'est-à-dire qu'il va travailler avec ceux qui vont prélever des huîtres sur les bancs d'huîtres qui se trouvent dans la baie de San Francisco et qui sont la possession d'autres compagnies, enfin de compagnies privées. Et après cette expérience de quelques mois, il va, je crois de façon très significative, passer de l'autre côté de la barrière, si l'on peut dire, c'est-à-dire qu'il va devenir policier, en somme, puisqu'il s'enrôle dans la patrouille de pêche. Et la patrouille de pêche, c'est celle, justement, qui fait la chasse aux pilleurs d'huîtres. Je crois que c'est assez révélateur d'un double visage chez London, à savoir celui qui, d'une part, fait l'expérience de l'exploitation des classes ouvrières, et celui qui, d'un autre côté, réclame un certain ordre dans la société. Et je crois que c'est un aspect, un double aspect, une dualité que l'on retrouve dans son attitude vis-à-vis du socialisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Jack London qui est complètement acquis aux idées, aux doctrines ou à l'idéologie marxiste. On a un Jack London qui est également partisan d'une certaine notion de la loi et de l'ordre. « Lorsque j'eus 10 ans, ma famille abandonna la campagne pour la ville. Là, je débutais dans la vie comme crieur de journaux. Une des raisons, c'est que nous avions besoin d'argent. Une autre, c'est que je voulais faire de l'exercice. Mais je dois dire d'abord que j'avais découvert la bibliothèque publique et que je me plongeais dans la lecture jusqu'à complète prostration. Dans les pauvres fermes où j'avais vécu, les livres n'existaient pas. Par un pur miracle, on m'en avait prêté 4, des ouvrages merveilleux que j'avais dévorés. L'un était la biographie de Garfield, le second traitait des voyages en Afrique de Paul du Chaillut, le troisième était un roman de Ouida où il manquait les 40 dernières pages, le quatrième, les contes de l'Alhambra de Washington Irving. Ce dernier, je le tenais d'une institutrice. Je n'étais pas un gosse avancé. À l'inverse d'Oliver Twist, je me sentais incapable de réclamer plus que mon compte. Quand je lui rendis l'Alhambra, j'espérais qu'elle me prêterait un autre livre. Et comme elle ne m'en offrit point, sans aucun doute elle me croyait inapte à les apprécier, je pleurais à chaudes larmes pendant les 5 kilomètres qui séparaient l'école du ranch. J'attendais avec impatience un bon mouvement de sa part. Plus de 20 fois, je fus sur le point de le provoquer. Mais il me manqua toujours le toupet nécessaire. Alors, apparut dans ma vie la ville d'Oakland. Et sur les rayons de sa bibliothèque municipale, je vis un monde immense surgir à l'horizon. Il y avait là des milliers de livres aussi bons que mes 4 merveilles, et même quelques-uns de meilleurs. À cette époque, on n'écrivait pas d'ouvrages pour les enfants. Et il m'arriva d'étranges aventures. Je me rappelle avoir été impressionné en consultant le catalogue par ce titre « Les aventures du pèlerin Pickle ». Je remplis un bulletin et le bibliothécaire me remit la collection des œuvres complètes et non expurgées des œuvres de Schmollett en un énorme volume. Je lisais tout, mais je m'attachais surtout à l'histoire, aux aventures et aux anciens voyages sur terre et sur mer. Je lisais le matin, l'après-midi et la nuit. Je lisais au lit, à table, à l'aller et au retour de l'école. Je lisais aux récréations pendant que mes camarades s'amusaient. Je commençais à avoir des tics. Je répondais à tout le monde « Allez-vous-en, vous m'agacez !» Avoir une jeunesse difficile, mais qui va dramatiser, enfin mettre en scène d'une manière extraordinaire, parce que il a toujours eu un don fabuleux pour se faire une publicité, et en tant qu'auteur, ce sera la même chose. Enfin, il inventera presque des méthodes d'autopromotion qu'on voit très très répandues maintenant. Simone Chambon. Et très vite, il pense que le seul moyen de s'en sortir, c'est d'écrire. Alors, comme il a énormément lu, grâce au réseau extraordinaire de bibliothèques publiques aux États-Unis, il lit tous les romans populaires de l'époque, et il veut avant tout réussir et ne pas être la bête de travail pour... le citer, qu'il a vu dans ses, spécialement quand il participe à la marche de la faim avec les chômeurs de 94, et là il fait une expérience qui va à la fois lui donner l'envie de défendre tous les laissés pour compte de la société et en même temps de s'en sortir à tout prix. Et s'en sortir à tout prix, c'est essayer d'apprendre à devenir écrivain. Est-ce qu'il a appris? Écrire. Oui, alors là, il s'impose une discipline extraordinaire, il travaille, il s'enferme dans une chambre d'où il ne sort pas, il épingle des mots qu'il apprend, il consulte des ouvrages de vocabulaire, des traités de style, Il partage avec la fin du siècle une conception de l'écriture comme ornement, d'une part, et puis aussi comme procédure didactique, moyen de faire passer des idées qui lui sont chères, et une écriture à la fois militante dans le cas du socialisme, ou bien qui se veut une explication de la vie à travers tout le darwinisme social qui est le credo de toute l'époque. Donc il va écrire dans tous les domaines pour faire de l'argent, il va écrire des petites énigmes, des blagues, des petites histoires, il va accumuler les refus. La ruée vers l'or en 97 dans le Klondike va venir à temps parce qu'il va, il va fuir dans l'espoir que la rencontre avec de nouveaux lieux, la rencontre avec des personnages pittoresques va produire un choc, et ce choc va produire la chose littéraire, et il s'embarque dans l'espoir de trouver de l'or, dans l'espoir aussi de montrer de quelle prouesse physique il est capable, puisqu'il a un culte du corps, et il emmène avec lui des livres, dont un traité de style de Spencer, dont Marx, Darwin, et d'ailleurs les livres vont lui être très utiles parce que il va rester coincé pendant un hiver entier sur une île au milieu du Yukon où il va faire des lectures et endoctriner tous ses camarades qui s'en souviendront pendant longtemps. Et comme il part avec déjà des théories bien élaborées sur la lutte pour la vie et ce que peut être un monde de violence et de cruauté, autrement dit, il va transposer dans la solitude du Grand Nord, les épreuves par lesquelles il est déjà passé dans le cadre de la ville, dans la jungle de la ville, et tout ce qu'il verra, il l'interprétera à la lumière de tout ce qu'il a lu, d'une manière d'ailleurs très superficielle, et plus sensible à des formules, et à tout ce qui dans Darwin a pu susciter dans toute une génération d'écrivains anglo-saxons, une sorte d'imagination qu'on peut appeler biologique, parce que dans l'origine des espèces, il y a toutes sortes de petits contes en dehors de la valeur scientifique. Pour le lecteur non scientifique, il y a toutes sortes de petits contes et d'apologues qui déroulent une sorte d'inventaire tout à fait fabuleux, ou pour expliquer les relations qui existent entre, par exemple, la pensée sauvage ou la viola tricolore et son environnement, on passe par toute une série de petits personnages comme la mouche du Paraguay, la musaraigne, le chat. Et donc, c'est la nature elle-même qui devient tout à fait insolite si on la regarde d'une autre façon. Et ça, ça va donner à London une sorte de goût pour des correspondances infinies et des inventaires. Comme ça, par exemple, quand Martin Eden apprend à écrire, il dressait des listes des choses les plus saugrenues et n'était satisfait que lorsqu'il avait réussi à établir entre elles des liens de parenté, parenté entre l'amour, la poésie, les tremblements de terre, le feu, le serpent à sonnette, l'arc-en-ciel, les pierres précieuses, les monstres, les couchers de soleil, le rugissement du lion, le gaz d'éclairage, le cannibalisme, la beauté, le crime, les leviers et les pivots, le tabac. Working hard, hardly working. Hey man, you know me. Water under the bridge. Did you see my new car? Well, it's bought and it's paid for. Parked outside of the bar. Après mon départ de la blanchisserie, ma sœur et son mari m'avancèrent de l'argent pour aller au Klondike. C'était lors de la première ruée vers l'or, au début de l'automne 1897. Je venais d'atteindre mes 21 ans et je débordais de force physique. Je me vois encore au bout du 40e kilomètre de portage de la baie de Daya, au lac Lindermann, à travers le Chilcot, en train de trimballer les bagages avec les Indiens, à qui souvent je damais le pion. La dernière étape jusqu'au lac Lindermann était de 5 km. Tous les jours, je faisais 4 voyages et chaque fois à l'aller, je transportais 150 livres sur mon dos. Autrement dit, je parcourais quotidiennement 40 km de pistes impraticables. Et pendant la moitié du trajet, cette énorme charge m'écrasait les épaules. J'avais donc lâché toute profession et me revoyais une fois de plus sur la route de l'aventure en quête de la fortune. À mes côtés, je retrouvais John Barleycorn et sa bande de costauds, vagabonds et aventuriers, capables de supporter une longue famine plutôt que de se passer de whisky. L'alcool coulait à flot, alors que les sacs de farine restaient intacts dans leurs cachettes tout le long de la piste. Par bonheur, mes 3 camarades d'équipe étaient tempérants. Je ne buvais donc qu'en compagnie des autres, assez rarement du reste, mais chaque fois, c'était des beuveries ignobles. Cependant, je dois ajouter que ma cantine médicale contenait un quart de whisky que je débouchais seulement 6 mois après mon départ, dans un camp isolé où un docteur allait procéder à une opération sans anesthésique. Le chirurgien et le patient vidèrent la bouteille avant de commencer. Un an plus tard, à peine guéri du scorbut, je revenais en Californie pour apprendre la mort de mon père et prenais à moi seul toutes les charges de la famille. Pour gagner mon voyage de retour, je dus m'embaucher à bord d'un vapeur comme déchargeur de charbon de la mer de Bering à la Colombie-Britannique et de là voyager dans la timonerie jusqu'à San Francisco. On comprendra sans peine que je ne rapportais du Klondike, pour toute fortune, que mon scorbut. À son retour, il n'a naturellement rien trouvé. Il ramène, et, comme dans toutes ses expériences successives, parce que c'est la première d'une série de fuites qui n'en finissent pas et où finalement il va se détruire. Chaque fois qu'il s'impose des épreuves dont il doit sortir vainqueur, à chaque fois, il s'enfonce davantage dans une sorte de destruction de lui-même, un peu comme Hemingway, enfin, quand Gertrude Stein dit de Hemingway, il est extraordinaire, il accomplit des prouesses physiques fantastiques, mais il en revient toujours tout cassé. London, c'est à peu près la même chose. Donc, là, il revient assez mal en point, mais bien décidé à utiliser son capital. Et là, finalement, assez vite, il fait une étude de marché extrêmement poussée, bien que complètement isolée. Il se plaindra qu'il n'y a personne pour lui donner conseil, qu'il est obligé de naviguer à vue, qu'il ne sait même pas si ce qu'il écrit est bien ou si il faudrait absolument qu'il abandonne. Mais il tombe à une période assez favorable, puisque c'est l'éclatement des magazines à grand tirage. Les années 80 et 90 voient vraiment s'établir ce qu'on appelle maintenant le mass market, comment je traduis ça, le marché, une sorte de marché littéraire. Et il saura très bien, entre les magazines qui vont lui apporter une consécration littéraire parce que ils ont une valeur légitimante par rapport à la littérature, et puis la grande presse, celle de Hearst, qui fait ses débuts, et de Pulitzer, il saura très bien distribuer ses productions de manière à être édité soit par l'un, soit par l'autre. Et donc il vend ses nouvelles du Klondike. C'est une de ses premières histoires. Va trouver acquéreur, et là, très vite, il va en placer toute une succession, parce que, quoi qu'il en dise, il s'impose, bon, il s'impose un travail de 1000 mots par jour, ça, ce sera toute sa vie, même quand il sera à bord du Snark et au milieu du Pacifique et épuisé, incapable de bouger, avec le rôti par le soleil et rongé par diverses maladies tropicales, il continuera inlassablement. Bien qu'il dise qu'il ne soit pas un auteur prolifique, parce qu'il sait très bien que d'être classé auteur prolifique, c'est être déclassé, en quelque sorte. Néanmoins, il a une capacité considérable. Il réécrit très peu. Il écrit d'abord à la main, retape à la machine, corrige un peu et ne relit jamais. Donc ça lui assure une très grande production. Et le premier recueil de ses nouvelles va paraître avec le siècle, c'est 1900. Et ça sera parmi les deux premiers recueils qui sont les plus intéressants. Il y a Le fils du loup, c'est-à-dire l'homme blanc, et Les enfants du froid, c'est-à-dire l'Indien. Chez London, il y a un souci permanent, une préoccupation pour fabriquer des romans, des œuvres ou des textes qui sont bien conçus, qui sont bien présentés et dans lesquels il peut y avoir plusieurs niveaux de signification, c'est-à-dire pas seulement l'intrigue, l'action et l'aventure, mais également un certain soubassement philosophique ou idéologique. Je vais vous dire ce qu'il écrivait en 1913. Il disait « J'utilise des ruses et des stratagèmes qui sont les trucs du métier. J'invente un mobile, une idée maîtresse, et mon récit, par sa nature, est dualiste. » Encore une fois, vous voyez. « Apparemment, c'est une histoire pleine d'action, de mouvement, de couleurs, une histoire si simple que les enfants peuvent la lire. » Et sous cette apparence se cache une trame philosophique complexe et riche de sens. Certains lecteurs apprécieront le récit, d'autres ma philosophie de la vie. Et il ajoutait, si vous avez foi en quelque chose, de l'enthousiasme, un esprit large et une bonne dose de ténacité, alors le succès est à vous. Passa le jour entier à errer autour de l'étang, poussant des gémissements lugubres ou des hurlements désolés. La disparition de son maître adoré creusait en son cœur un vide profond, impossible à combler. Seule, la vue de ses victimes portait quelque adoucissement à sa peine. Alors, ceci dit, je suis un peu inquiet parce que c'est un livre terrible, c'est un livre féroce. Féroce comme ce chien qui, dans le fond, se prélasse dans le sud de la Californie, enfin, pas tout à fait, mais enfin, le sud, mais à Santa Clara, exactement, dans une maison Jacques de juge, Darras. Se dorant au soleil, et puis qui, un jour, est victime d'un complot perpétré par un aide-jardinier qui joue au loto, quoi, à la loterie, qui a besoin d'argent et qui, ayant des dettes absolument phénoménales, décide de vendre le chien, lequel s'appelle Buck, et qui est un croisement de Saint-Bernard et de Scotch-Terrier, et le vend à des gens qui s'en vont vers la ruée vers l'or, dans la deuxième ruée vers l'or qui a lieu dans les années à la fin du 19e siècle, la ruée vers le Klondike. À celle que Charlie Chaplin, par ailleurs, nous a montré dans son fameux film. Alors, ce chien, qui est un chien de juge, qui est un chien bourgeois, qui a ses bonnes manières, au contact de la brutalité des hommes, de la violence insidieuse de la nature, va se révéler une nature féroce, terrible. Et donc, il va se dépouiller de son vernis de civilisation, ça va craquer très vite au contact de la neige. Il y a un texte qui est absolument splendide lorsque il découvre la neige pour la première fois. Cette neige qui brûle, cette eau brûlante sur laquelle il a la peine à poser les pattes de bon chien de moquette qu'il était autrefois dans la maison du juge. Ça, ce texte-là est absolument splendide, un paragraphe splendide. Et là, il monte vers le nord, et plus il monte vers le nord, en changeant de propriétaire, en tombant sur une groupe de gogo qui s'en va vers le nord et qui va disparaître totalement, mangé par la forêt, parce que c'est un monde absolument impitoyable, en rencontrant d'abord un franco-canadien, et puis en finissant dans les mains d'un trappeur, John Thornton, qui va vraiment le conduire au cœur des bois, eh bien, il redécouvre l'apprentissage de la nature, l'apprentissage de la férocité. Et alors, c'est un livre terrible. Parce que quand on y réfléchit bien, c'est un livre qui est écrit en 1903, enfin qui paraît en 1903. Je laisse de côté la vie de Jack London elle-même, qui est un peu spectaculaire, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un livre inquiétant. Je me suis dit, en lisant, tiens, tu as vibré très fort pour ce livre-là quand tu étais jeune, la blancheur de la neige, la cruauté des instincts naturels, le contact de la forêt. Et puis, en lisant très très près, je me suis dit, mais c'est épouvantable, c'est un livre qui parle de la dictature. De quoi s'agit-il essentiellement? Eh bien, c'est de la loi de la jungle, de la loi de la forêt, de la loi du plus fort. Dans le fond, il est fils de juge, il est chien, oui, c'est un beau lapsus, il est chien de juge, fils de juge, en quelque sorte, du droit, de la justice. Et alors, au contact de la nature, il redevient vraiment hors-la-loi, mais alors un hors-la-loi absolument abominable. Et un hors-la-loi, ça n'est pas un hors-la-loi, en vérité, c'est ça. Attends, je ne suis pas sûr que Jack London en était vraiment conscient de cela. C'est qu'en fait, il obéit à une loi plus ancienne, à une loi, dite la loi naturelle, mais qui est une loi, qui n'est pas du tout une façon d'être hors-la-loi, c'est une façon d'être dans une autre loi. Et cette autre loi-là, eh bien, c'est la loi du plus fort. Alors c'est vrai qu'on n'a jamais écrit peut-être de livre plus évident, plus cru, plus brutal sur une sorte de darwinisme qui régnait à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire effectivement, dans le fond, les espèces qui triomphent, eh bien, c'est les espèces les plus fortes. Ce sont celles qui sont les mieux adaptées à la nature. Mais il, pour triompher, il faut qu'il défasse les autres chiens, il faut qu'il leur fiche des raclées épouvantables. Il faut qu'il, c'est pas des raclées, il les tue littéralement, il les saigne. Et voilà, il impose sa loi sur le pack, c'est-à-dire sur la meute, et il devient le dictateur du Grand Nord. Et alors, on voit là, dans ce texte qui est en figuration, en préfiguration 1903, pratiquement se profiler tout ce qui va venir, toutes les ombres qui vont atteindre le début du siècle. Et je dois dire que franchement, à la lecture, j'ai eu le sang un peu glacé, le sang pétrifié, parce que c'est un livre absolument splendide, c'est un livre extraordinairement beau, bien écrit, et en même temps, c'est un livre qui, dans le fond, nous fait plonger au cœur de l'abîme, enfin au cœur de la noirceur de laquelle nous sortons à peine. Et c'est vrai que ce tournant du siècle, je le retrouve également dans un autre texte qui pour moi est absolument fondamental, qui ressemble comme deux gouttes d'eau, comme deux gouttes de sang, et qui est « Cœur des ténèbres » de Joseph Conrad. Et « Cœur des ténèbres » de Joseph Conrad paraît en 1900 également. 1903, ce sont deux dates, enfin c'est un tournant, c'est le tournant du siècle, où vraiment la civilisation occidentale plonge au cœur de l'abîme. D'un côté, la tentation du primitif. Et il y a à la fois cette fascination et en même temps cet effroi pour ce qu'il y a de primitif au fond de l'homme. Buck passa le jour entier à errer autour de l'étang, poussant des gémissements lugubres ou des hurlements désolés. La disparition de son maître adoré creusait en son cœur un vide profond, impossible à combler. Seule, la vue de ses victimes portait quelque adoucissement à sa peine. Fier d'avoir tué des hommes, le plus noble des gibiers, il reniflait curieusement les cadavres, surpris d'avoir triomphé si facilement de ceux qui savaient se rendre redoutables à l'occasion. Désormais, il ne connaîtrait plus la crainte de l'homme. La lune parut dans les cieux, baignant la terre d'une lumière sépulcrale. Et Buck sentit avec la nuit monter dans la forêt l'éveil d'une nouvelle vie. Il se dressa, humant l'air. Des abois lointains retentissaient, se rapprochant rapidement. Il reconnut en eux une part de ce passé qui ressuscitait en lui. S'avançant dans la clairière, il écouta sans trouble et sans remords la voix qui depuis longtemps le sollicitait. Désormais, il était libre. Libre de lui répondre et de lui obéir. John Thornton mort,

Et aussi une déstructuration du temps, parce que il verra, bien sûr, pour lui, c'est le paysage primordial, c'est un des mots qu'il préfère, la bête primordiale, l'être primordial, et en même temps un lieu immense et clos, parce que séparé du reste du monde. Et en plus, les personnages tels que l'animal, qui est la créature intermédiaire entre l'homme et la matière. Et il faut bien dire, les Indiens qui sont souvent classés dans une espèce intermédiaire entre l'homme et l'animal, et qui seront porteurs de toute une espèce de tragédie de l'existence, d'autant plus que l'Indien tel qu'il apparaît dans la littérature américaine, et pas seulement chez lui, est un être extrêmement ambigu. Bon, et à l'époque où London écrit, le génocide est accompli, enfin c'est la fin, l'Ouest est conquis, l'Alaska est ressenti, enfin le Klondike, ressenti comme la dernière frontière. Et chez London, c'est très net, c'est les plus forts, la race anglo-saxonne étant supérieure, la loi est impitoyable, mais c'est la loi terrible du matérialisme. Et en même temps, c'est comme une sorte d'élégie où on va déplorer le sort de ce peuple destiné à la destruction et qui même, dans certaines nouvelles, préfigure une sorte d'apocalypse généralisée dans laquelle tout finira par s'abîmer, y compris naturellement la race blanche. Et la Californie, au tournant du XXe siècle, était un univers assez particulier, en ce sens qu'il était à la fois très bien localisé géographiquement, puisque la Californie forme une région à elle seule, c'est presque un État dans l'État, sur la côte ouest, donc elle représente la dernière destination des grandes migrations continentales. C'est l'État des États-Unis qui fait face, et le seul qui fasse autant face au Pacifique, beaucoup plus que l'Oregon ou l'État de Washington. Donc il a une identité géographique. Malheureusement, il n'avait pas encore à cette époque-là d'identité culturelle. D'abord parce que c'était un pays trop neuf, c'est-à-dire que l'indépendance de la Californie ne datait que d'une cinquantaine d'années, donc c'est un peu court pour créer une culture. Et d'autre part, il n'avait peut-être pas suffisamment drainé d'intellectuels pour que d'artistes pour qu'une culture véritable se développe. Alors évidemment, certains ont essayé de développer une culture locale, une identité locale, au point de vue artistique, et c'est un peu la gageure que s'était proposé de tenir les membres de la bohème, ce qu'on a appelé la bohème de San Francisco, ce qu'on appelait aussi la foule ou le clan, the mob, hein, qui était en fait des habitués d'un club san-franciscain qu'on appelait le Bohemian Club, club bohémien. Et London a fait partie de ce club pendant très longtemps parce que ils étaient pris d'amitié pour un poète du lieu qui s'appelait George Sterling. Et il a cru pendant quelque temps que ce noyau d'artistes pourrait créer une culture californienne. En réalité, ce club bohémien était davantage un agrégat d'individualité qu'un véritable mouvement culturel, mouvement artistique. Je veux dire que ces artistes-là étaient davantage réunis par une conception un peu excentrique de l'existence que véritablement par le souci de créer une culture autonome ou autochtone en Californie. C'est, je pense, un peu pourquoi, d'un côté, London ne s'est jamais complètement intégré à ce groupe. Mais je pense que c'est surtout parce que il n'y avait pas, parmi ces artistes, il n'y avait pas le sentiment ou la volonté de vivre une aventure. Donc il s'est détaché peu à peu de ce club et de ce groupe d'artistes. C'est un peu pour cela, je pense, que London n'a jamais été complètement assimilé à la culture californienne. On a rarement parlé de London en tant qu'écrivain californien. Pourtant, il est californien, je veux dire, de naissance, de mort, de mentalité aussi, je pense. Mais ne s'étant pas engagé résolument à faire de la Californie une région culturelle ou une entité culturelle, je crois que sa célébrité internationale a prévalu. En fait, c'est le cosmopolite par excellence, c'est le globe-trotteur, pour faire un bel anglicisme, par excellence. C'est un personnage qui a pris le monde entier comme champ d'investigation, parce que, comme il le disait, ce qui l'intéressait, c'était l'homme, autant en bien qu'en mal, l'homme bon comme l'homme mauvais, et que finalement, ce double archétype humain, eh bien, on le trouve partout à la surface du globe et pas seulement en Californie. La colère de Lou Larsen s'apaisa aussi soudainement qu'elle s'était déclarée. Il ralluma un cigare et promena son regard autour de lui. Seul, un petit groupe d'hommes qui se tenait à l'arrière près d'un capot continuait à converser à mi-voix. Ces hommes, à en juger par leur allure dégagée, n'étaient évidemment pas des matelots. C'étaient, comme je le sus par la suite, des chasseurs de phoques. « Johansen !» hurla Lou Larsen. Docilement, un matelot s'avança. « Va chercher ta pommelle et ton aiguille, et couds-moi ce bougre-là, il désignait le mort, dans un bout de toile. Tu trouveras ce qu'il faut dans les rebuts de la soute aux voiles. Débrouille-toi. » « Bien, bien, capitaine, » répondit l'homme. « Et qu'est-ce qu'il faudra lui mettre au pied ?»« T'occupe pas de ça. »« Hé, cuistot !» Thomas Murridge entendit dans sa cuisine la voix de Stentor et montra son nez. « Tu vas remplir un sac de charbon que tu apporteras ici. » Puis Lou Larsen demanda aux chasseurs de phoques, toujours groupés, « Y en a-t-il un parmi vous qui possède une Bible ou un livre de prière ?» Tous secouèrent la tête. L'un d'eux lança une plaisanterie que je n'entendis pas, mais tous s'esclaffèrent. Lou Larsen posa la même question à plusieurs matelots. Mais Bible et livre de prière étaient des articles rares à bord de la goélette. Un des matelots offrit d'aller voir au poste de l'équipage s'il ne trouverait rien, mais il revint, deux minutes après, les mains vides. Lou Larsen haussa les épaules. « Dans ce cas, » dit-il, « nous allons sans autre discours le passer par-dessus bord, à moins que le type qu'on a repêché, qui a une tête de pasteur, ne connaisse l'office des morts en mer. » Come all of you young sailor lads and listen to my plea. And when you've heard it, won't you pity me? Jack London Marin, c'est tout un pan de la vie de London, de sa vie et de son œuvre. Oui, c'est-à-dire qu'il commence, nous avons vu, avec la patrouille de pêche, hein, enfin, comme pilleur d'huîtres. Et il va continuer, évidemment, avec ce voyage au Japon, où il s'embarque sur un navire marchand, le Sophia Sutherland. C'est un voyage assez rapide, somme toute, mais qui va le marquer pour le restant de son existence. Il va le marquer doublement, d'ailleurs, d'une part parce que c'est grâce au récit qu'il va tirer de son expérience, qui s'appelle « Histoire d'un typhon au large du Japon », pour lequel il va avoir le premier prix dans un concours de nouvelles d'un journal de San Francisco. Il a 17 ans à ce moment-là, donc je crois que c'est ce qui va un petit peu déterminer sa carrière littéraire. marqué doublement, je disais, parce que, d'un autre côté, il ne va jamais cesser d'aimer la mer. D'où son amour démesuré pour les bateaux. Chaque fois qu'il avait un peu quelques économies, il les utilisait, et même quand il n'en avait pas, il empruntait. Il les utilisait pour acheter un bateau. Et évidemment, il y a cette fameuse croisière du Snark, qui, assez paradoxalement, ou peut-être de façon très révélatrice, représente à la fois son apogée comme marin, puisqu'il va pratiquement devenir le maître à bord de ce bateau. Là aussi, c'est l'autodidacte à l'œuvre, hein, puisqu'il s'enseigne lui-même à diriger un bateau qui est somme toute difficile quand même à maîtriser en toutes circonstances. Donc cela représente l'apogée de son existence de marin, mais c'est aussi, je pense, le point où son physique le lâche, c'est-à-dire c'est le moment où l'on découvre un Jack London malade. C'est à l'occasion de ce voyage qu'il va contracter un certain nombre d'affections pour lesquelles il va se soigner plus ou moins bien, en tout cas des traitements à base d'arsenic qui vont affecter ses reins. Et donc précipiter plus tard la crise d'urémie dont on dit qu'elle a causé sa mort. Il est un pionnier, Il ouvre un espace américain, au sens propre comme au figuré, c'est-à-dire qu'au sens propre, simplement, il est un trailblazer, c'est-à-dire celui qui brûle une piste et qui fait une piste et par laquelle les autres s'engouffrent. Alors, il ouvre cette piste et en même temps, dans la littérature, il découvre un monde. Il découvre un monde. Et c'est assez intéressant qu'on parle de lui en ce moment parce que, dans le fond, quel est le monde qu'il découvre ? Il découvre la Californie. Mais il ne découvre pas la Californie, simplement la Californie que vont découvrir les agriculteurs de l'Oklahoma de Steinbeck dans Les raisins de la colère, un peu plus tard, après la crise, sortant de leur nid de poussière de l'Oklahoma, de leur pauvreté, de leur misère, et découvrant les champs d'agrumes et d'oranges de la Californie comme une terre promise, comme un paradis. Non, ce n'est pas cette Californie-là du tout. Il découvre une Californie extrêmement étendue, plus exactement, l'espace du Pacifique, que l'on appelle aujourd'hui l'espace du Pacifique, c'est ça, c'est-à-dire du nord au sud. Bien sûr que London va venir à Londres, va écrire un livre sur les gens de l'abîme, enfin People of the Abyss, ainsi de suite, et il y aura Martin Eden. Bon, mais c'est pas ça en fait London. London, c'est la grande épine dorsale de l'ouest de l'Amérique. Il découvre l'ouest de l'Amérique du nord au sud. Alors, ces personnages vont au nord, comme dans L'Appel de la forêt. Et puis les autres vont au sud, il passera beaucoup de temps dans les mers du sud, il ira également à Hawaï, il ira dans tout le Pacifique, naviguant avec son cotre, et il va découvrir donc toute cette immense ligne, façade maritime de l'ouest. Et il va être seul pendant très très longtemps, personne ne va le rejoindre, il est le premier, et il faudra attendre pratiquement les années 1950 pour que d'un seul coup, des gens nés sur la côte est, les fameux beatniks, arrivent, débarquent à San Francisco et renouent patiemment avec ce mythe qu'il a été le premier à découvrir. Et quand on réfléchit bien, dans le fond, des gens comme Jack Kerouac, bien entendu, et puis surtout Neil Cassady, l'ami, le mythe, le modèle de Jack Kerouac, c'est précisément cela. Ils vont aller sur les traces de Jack London. London est donc le premier beatnik en quelque sorte. Et l'éducation des beatniks va être très précisément celle de Jack London. Par exemple, Ginsberg, à un moment, quitte l'université de Columbia et il s'embarque à bord d'un cargo et il va faire la traversée, il va aller jusqu'au Japon à bord de ce cargo. Mais en suivant le modèle de Jack London. Et je crois que c'est ça qu'il est, Jack London. Il est vraiment le premier beatnik, le modèle des beatniks. Il y a une autre chose également, mais ça c'est peut-être plus historique et plus sociologique, c'est qu'on oublie toujours, c'est que avant la crise de 29, il y a une première crise aux États-Unis à la fin du 19e siècle, qui est une crise monétaire extrêmement profonde, extrêmement difficile, et qu'il est l'écrivain de cette crise. Dans le fond, il est celui à la fois qui découvre la grande fragilité de la société américaine, de la société capitaliste américaine qui s'est mise en place et qui s'est mise en route, et d'un autre côté, qui, de façon très ambiguë, découvre sa force, c'est-à-dire qu'il découvre sa vérité, sa réalité. Sous, en quelque sorte, l'aspect social-financier de l'époque, il y a une grande loi, une grande vérité, qui est la loi de la jungle. Et donc, il est celui qui découvre cela sous la forme... Il le découvre comme victime, il en est victime. Et il va être lui-même, en quelque sorte, pris au piège. Et il n'y a pas d'autre issue pour lui que justement cette sortie par le bas. Alors c'est ça peut-être qui est aussi l'autre aspect finalement de London, c'est à quel point il est lié à cette société qu'il décrit. Et il n'a pas justement suffisamment de distance intellectuelle pour pouvoir justement appréhender cette vérité. Alors il l'appréhende comme un matériau brut, comme un or, comme un minéral, exactement comme ce minéral qu'extrait enfin les hommes du Klondike ou bien comme en Californie dans les années 1848. Et là, il se matérialise. Il se minéralise. C'est un écrivain, dans son écriture d'ailleurs, constamment en voie de minéralisation. Et c'est là qu'il est le plus fort. Et quand il se met à manier les idées, il est littéralement, il tombe dans la rhétorique très souvent, bien entendu, et en même temps, il est complètement, il n'arrive pas à rendre compte, en quelque sorte, par les idées, de ce qu'il sent si bien, par son écriture, dans son écriture. Et il est au plus fort lorsque son écriture prend la transparence, la dureté du métal, du minéral. C'était un travail éreintant qui se poursuivait pendant des heures, sans arrêt, à toute vitesse. Sous les spacieuses vérandas de l'hôtel, des hommes et des femmes, tous de blanc vêtus, suçaient des boissons glacées en se maintenant à une agréable température. Mais dans la blanchisserie, l'air était accablant. Le grand fourneau ronflait, rougit à blanc, et des fers passés sur le linge mouillé s'élevaient des nuages de vapeur. Ces fers étaient différents de ceux dont se servent les ménagères et dont elles éprouvent la chaleur du bout de leurs doigts humides. Comme il leur fallait une chaleur bien plus élevée, ils les essayaient en les rapprochant de leurs joues. Martin admirait ce procédé, sans toutefois le comprendre. Quand les fers étaient trop chauds, on les accrochait à des tringles de fer et on les trempait dans l'eau froide. Cette opération demandait également un coup d'œil précis et sûr. Une fraction de seconde de trop, et tout était à recommencer. Martin se félicita de la précision qu'il avait acquise quasi automatiquement et basée sur l'observation de symptômes presque impondérables. Mais il n'avait pas beaucoup le temps de réfléchir ni de se féliciter, et tout son moi conscient se concentrait sur sa besogne. Son cerveau et son corps sans cesse en action n'étaient plus qu'une machine intelligente. Les problèmes insondables de l'univers n'y trouvaient plus de place et leur en interdisaient l'accès. Son être entier n'était plus qu'un réduit étroit, la cabine directrice qui dirigeait les muscles de ses bras, de ses doigts agiles. Ceux-ci, à leur tour, dirigeaient les fers rapides et leurs longues glissades fumantes mesuraient à un millimètre près le long d'interminables manches de dos et de côté. Puis, le même bras, mécaniquement, lançait la chemise au râtelier approprié sans la froisser et en saisissait immédiatement une autre. Et cela pendant des heures et des heures torrides au cours desquelles tout le monde pantelait sous le soleil californien. Mais dans la blanchisserie surchauffée, on n'avait pas le temps de panteler. Les clients au frais sous la véranda avaient besoin de linge propre. Et c'est vraiment un mineur. C'est un mineur. Alors, il va vers le bas, il creuse vers le bas, constamment. Il a une vision très élémentaire vers le bas des États-Unis, tout à fait aux antipodes, donc par conséquent, de la vision de la côte est qui mène vers le haut. Hein, Emerson attachait son chariot à une étoile. Ben lui, il n'a pas d'étoile, il n'a pas de chariot. Il creuse avec Il a le cabaret de la dernière chance. Il a le cabaret de la dernière chance et il creuse vers le bas, de façon matérielle. Et à un certain moment, il touche un filon qui est le mythe. Et alors là, il est grand, il est très très grand, lorsque vraiment il réveille le mythe américain. Il touche presque les Indiens, Il touche vraiment, il donne la main pratiquement aux Indiens, et il devient lui-même une sorte d'Indien. Ceci dit, comme il est un homme blanc, comme il est un occidental, comme il vient d'un autre monde, il n'y a pas chez lui de sagesse religieuse, il n'y a pas chez lui de possibilité d'échapper. Il est véritablement, tragiquement, enfermé dans sa mine, dans son destin, et il va y périr, et il va y mourir. Il y a une très, très grande tristesse chez Jack London, qui est liée à sa vitalité, qui est liée à sa force, la force même qu'il a, puisqu'elle n'est pas capable de se transmuer en une sagesse, mais qu'elle n'est qu'une force, une force brute, est profondément triste, est profondément triste. En vérité, c'est la première grande crise de l'Occident, elle se situe vraiment en 1900, quand d'un seul coup les ateliers victoriens perdent leur activité, l'Amérique doute d'elle-même, tous les écrivains américains, toute l'intelligentsia américaine prend le chemin de l'exil en revenant vers l'Europe, c'est pas rien, Gertrude Stein quitte la Californie en 1907, n'est-ce pas ? Hein, et elle revient vers l'Europe, et Henry James lui-même est déjà quitté l'Amérique, n'y croyant pas du tout. Donc le rêve américain, il n'est pas du tout en place à l'époque, il est fortement contesté. Et London, lui, reste. London, lui, reste, il est précisément de ceux qui, par la force des choses, étant à ce point liés à la matière, ne pouvant pas se détacher de la matière qui est son écriture même, qui est son sol, sa mine d'écriture, est obligé de rester, et il va s'y engloutir. Connaissances arrachées à force de lutte au cours de mes veilles m'avaient déçu. Le succès, je le méprisais. Ma célébrité, je la comparais à des cendres éteintes. La société que je fréquentais, composée d'hommes et de femmes à peine au-dessus de la lie des gens du port et du gaillard d'avant, me déconcertait par sa laideur et sa médiocrité intellectuelle. L'amour féminin, il ressemblait au reste. Quant à l'argent, je ne pouvais dormir que dans un seul lit à la fois, et que représentait pour moi la valeur de 100 beefsteaks par jour alors que je n'en pouvais consommer qu'un. L'art et la culture, qu'en restait-il devant l'effet positif de la biologie? Toutes ces choses m'apparaissaient comme grotesques, et plus grotesques encore, les fantoches qui s'en faisaient les champions. Par ce qui précède, on peut voir à quel point j'étais dégoûté de la vie. J'étais né lutteur, mais les objets pour lesquels j'avais lutté jusqu'ici n'en valaient pas la peine. Ma tâche était accomplie, et pourtant, il me restait à combattre pour un idéal, le peuple. London a 20 ans lorsqu'il adhère au Socialist Labour Party américain, le parti ouvrier socialiste américain, pour lequel il va militer une bonne partie de sa vie. Conférences, articles, discours, et cela transparaît bien évidemment dans son œuvre, dans le côté le plus didactique de son œuvre. Il quitte ce parti en 1916, peu de temps avant sa mort, et après que les sociaux-démocrates européens aient voté, à quelques rares exceptions près, les crédits de guerre. Est-ce là la raison principale de sa démission, ou bien la distance qui s'était établie peu à peu entre le riche auteur à succès qu'il était devenu et un parti prolétarien ? En fait, la question est peut-être encore posée. En tout cas, en 1916, au moment de sa démission, il souligne, il constate la désillusion qui l'étreint. Parce qu'il est collé d'une telle façon à ce matériau brut dont il est issu. Effectivement, quand il essaie de manier les idées, il est plus que complexe. Il est troublant, parce qu'il y a à la fois un côté nietzschéen chez lui total, et puis il y a cette sorte d'adhésion très très volontariste au socialisme américain. On pourrait voir là une contradiction, mais c'est peut-être tout simplement parce qu'il n'avait pas vraiment les idées claires. Moi, je pense, oui, absolument. Je crois qu'il n'avait pas de, les idées claires. Je pense qu'il y avait chez lui un immense élan de justice et de à la fois de révolte. Enfin, cet élément de révolte qui est si essentiel quand même d'abord à la Révolution Ou à l'écriture, tout simplement. Ou à l'écriture, tout simplement. Et puis, en même temps, ce sens peut-être de la justice. Enfin, une grande, grande chaleur, un grand sens, enfin, de la générosité humaine et puis le sens de la misère humaine qui était autour de lui, enfin, qui est visible. La Californie à l'époque, à la fin du siècle, c'est vraiment des gens qui s'entassent. C'est pas des fortunes. La fortune, c'est le mythe. La fortune, ça arrive à un ou deux ou trois personnes. Mais la majeure partie des gens qui sont là-bas et qui sont des émigrés sont des gens qui ne vivent pas remarquablement bien, qui vivent dans des conditions épouvantables, qui vivent dans des sortes de bidonvilles, enfin, sur la colline de San Francisco, et qui ne sont pas du tout dans un monde qui brille, qui est de l'or. Mais je crois que surtout, plus encore que Nietzsche, moi, je pense que ce qui a vraiment marqué à la fin du 19e siècle, c'est vraiment Darwin. Et alors, les gens ont dit Marx. C'est l'affrontement des deux grandes idéologies. Est-ce qu'on peut parler d'idéologie à propos de Darwin? Oui, plus ou moins, le darwinisme social. L'affrontement des deux grands blocs, c'est vraiment Marx et Darwin. Alors, Marx et Darwin font un mariage étrange, dans la mesure où, justement, on va vers une sorte de progrès, puisque la nature humaine va vers une sorte de progrès, que le progrès s'adresse au plus fort, ou fait la sélection, eh bien, on va, en quelque sorte, par le socialisme, corriger, justement, cette injustice, tout en n'éliminant pas la notion de progrès. Donc, on va essayer de faire un mariage de Marx et Darwin pour pouvoir arriver à un progrès juste, un progrès équilibré. Et donc, moi, je crois que c'est cela qui requiert London, mais il a chez lui beaucoup plus, en quelque sorte, du Darwin, du sens du darwinisme naturel, de l'espèce humaine, que de marxisme, enfin, que de socialisme. Et donc, toute son écriture, tout son être, dit cette vitalité. Et je crois qu'on a bien à tort sous-estimé l'importance de Darwin dans la sensibilité, dans la formation intellectuelle des gens de la fin du 19e siècle. C'est une crise épouvantable. On peut dire que Marx, par rapport à Darwin, est vraiment celui qui civilise la pensée et celui qui, par le socialisme, redonne en quelque sorte un espoir et un sens de justice, mais bien plus profond que justement cet ordre nouveau auquel il aspire, où il fait aspirer la société. Le darwinisme, véritablement, c'est l'ébranlement total de la société. Pour beaucoup de gens qui sont croyants, qui sont religieux, d'un seul coup, tout s'écroule. Leur monde s'écroule entièrement. Qu'est-ce qui reste à l'humanité, sinon à être le plus fort? Et donc, du darwinisme va sortir, dans le fond, une sorte de sens de la dictature. Et d'où dictature et socialisme. Et je veux dire que, chez London, c'est pour ça que je parlais de ma lecture tout à l'heure, j'ai froid dans le dos en lisant London. Il nagea encore, toujours plus profondément. Ses bras et ses jambes rompus de fatigue ne remuait plus que faiblement. La pression de l'eau était douloureuse à ses tympans et sa tête bourdonnait. Son endurance était à bout, mais il se força à descendre plus bas encore. Bientôt, sa volonté l'abandonna. Au milieu d'un grand bouillonnement, ses poumons se vidèrent complètement de l'air qu'il conservait encore. Tels de minuscules ballonnets, de petites bulles glissèrent en rebondissant sur ses joues et devant ses yeux dans une ascension éperdue vers la surface. Puis vinrent la souffrance et l'étouffement. Ce n'était pas la mort encore, se dit-il, au bord de l'inconscience. La mort ne faisait pas souffrir. C'était la vie, cette atroce sensation d'étouffement. C'était le dernier coup que devait lui porter la vie. Ses mains et ses pieds, dans un dernier sursaut de volonté, se mirent à battre, à faire bouillonner l'eau, faiblement, spasmodiquement. Mais malgré ses efforts désespérés, il ne pourrait jamais plus remonter. Il était trop bas, trop loin. Il flottait languissamment, bercé par un flot de visions très douces. Des couleurs, une radieuse lumière l'enveloppait, le baignait, le pénétrait. Qu'était-ce? On aurait dit un phare? Mais non. C'était dans son cerveau, cette éblouissante lumière blanche. Elle brillait, de plus en plus resplendissante. Il y eut un long grondement, et il lui sembla glisser sur une interminable pente. Et tout au fond, il sombra dans la nuit. Ça, il le sut encore. Il avait sombré dans la nuit. Et au moment même où il le sut, il cessa de le savoir. Il y a là presque à la limite un paradoxe entre toutes les critiques que l'on peut faire de son écriture, de ce qu'il a écrit, des romans pas réussis, où les personnages n'ont pas de vraie consistance psychologique, Martin Eden qui n'est pas forcément un chef-d'œuvre. Et puis le fait que beaucoup de personnes se soient emparées de certains de ses récits. Je pense par exemple à la préface que Trotsky a pu écrire du Talon de fer. Bon, il y a là un certain nombre d'éléments qui égarent un peu peut-être le jugement, mais qui font qu'au total, London n'est peut-être pas un écrivain formidable, et pourtant, il est l'un des écrivains les plus célèbres. Et si on se rend compte que la valeur qu'on attache à ce qu'on appelle la littérature, avec un L majuscule, la littérature légitime, dépend aussi beaucoup de l'objet qu'est le livre et de son édition du moment, sous quelle forme il apparaît, qui lui crée automatiquement un public, dans quelles circonstances il est lu. Je crois que pour ça, London est exemplaire parce qu'il s'est toujours situé tantôt en deçà, tantôt au-delà, enfin de part et d'autre, de la frontière qui sépare, enfin, ou tout au moins de la frontière dont on pense qu'elle sépare la grande littérature de l'autre, la para, l'infra, enfin bref, les mauvais genres, comme un colloque récent vient de les appeler, et lui navigue sans cesse entre les deux, selon les époques et selon les moments. Et on peut vraiment suivre à la trace toute une histoire du goût en ce qui concerne, si on veut par exemple, le roman d'aventure ou le roman social, en suivant les péripéties et les avatars de ces éditions, rééditions et traductions. D'abord, dès le départ, selon qu'il est publié dans des magazines de réputation intellectuelle comme The Atlantic Monthly, qui est un des plus grands magazines de la côte Est, ou au contraire, un magazine des familles, ou au contraire, les magazines de la presse à scandale. Déjà, les histoires sont réparties selon leur nature entre différentes sortes de publications, parce que, du moins aux États-Unis, l'auteur de la fin du siècle, du tournant du siècle, écrit aussi pour un public beaucoup, bien plus diversifié que 50 ans plus tard. Il a pu y avoir, selon les périodes, d'ailleurs des lectures peut-être de London, des opportunités, des situations qui ont fait qu'on a lu tel ou tel roman. Et justement pour les romans dits sociaux, tous ceux, comme le Talon de fer, qui se veut une sorte de prémonition dramatique du XXe siècle, il a des lectures à des moments différents de ce talon de fer. Bien sûr. Mais le talon de fer, c'est aussi, il prend place dans toute une série de romans utopiques, et ce qu'on a appelé utopie d'horreur, qui est celle de toute une époque, entre les années 80 et la fin du siècle. Et entre autres, il s'est beaucoup inspiré des romans, des têtes de file du mouvement populiste d'Onelli, qui écrit un roman qui s'appelle « La colonne de César » et qui se termine aussi dans l'apocalypse et la catastrophe et le massacre du peuple, comme le talon de fer, où d'ailleurs le peuple apparaît aussi sous la forme d'une bête fabuleuse et d'un monstre redoutable qui a tous les attributs, c'est une sorte de création grotesque qui est à la fois comme un torrent, un volcan, un monstre, enfin, et ça, tous ceux qui ont tellement prisé l'instinct prémonitoire de London et qui se sont félicités de son analyse socialiste, de la critique socialiste de la société, n'ont pas assez prêté attention à la forme qui oscille sans cesse entre tout ce qu'il détestait lui-même dans la littérature distinguée, puisque c'est écrit par une femme à la première personne qui exalte le héros qu'elle sert, qui elle va transmettre la tradition, puisque c'est là le rôle de la femme, c'est elle qui va écrire les aventures de ces temps maudits. C'est son manuscrit qu'on retrouvera inachevé beaucoup plus tard dans des circonstances dramatiques. Et puis aussi, on y trouve aussi des morceaux tout à fait sensationnalistes, mais qui sont, c'est vrai, d'une assez grande puissance d'imagination cette fois. Et c'est par cette sorte d'hyperbole, beaucoup plus que par une analyse, que finalement il a pu convaincre Trotsky, Anatole France, qui fait la première préface dans les premières traductions en français de 1923. Et puis alors, le livre va être réédité après la guerre. Je crois qu'on ne le trouve pas, ou très peu, du moins en traduction en France pendant très longtemps. Et après la guerre, ce sont des éditions qui vont devenir les éditions sociales qui le rééditent. Mais le fait que le roman soit réédité à certaines périodes, la réédition des œuvres complètes en 10-18, dans la foulée de 68, avec des préfaces qui alors vont être quasiment hagiographiques et présenter London comme l'ancêtre du gauchisme, sinon l'ancêtre du moins un précurseur du gauchisme, ça aussi est tout à fait marqué par le temps. Et puis c'est aussi, là c'est une édition destinée à la grande diffusion. C'est seulement plusieurs semaines après notre retour à New York qu'Ernest et moi pûmes apprécier toute l'étendue du désastre qui venait de frapper la cause. La situation était amère et sanglante. En divers endroits, dispersés dans tout le pays, il y avait eu des révoltés et des massacres d'esclaves. La liste des martyrs s'accroissait rapidement. D'innombrables exécutions avaient lieu un peu partout. Les montagnes et les contrées désertes, regorgées de proscrits, de réfugiés, traqués sans merci. Nos propres refuges étaient bondés de camarades dont la tête était mise à prix. Grâce aux renseignements fournis par les espions, plusieurs de nos asiles furent envahis par les soldats du Talon de Fer. Un grand nombre de nos amis, découragés et désespérés par le recul de leurs espérances, ripostaient par une tactique terroriste. Il surgissait aussi des organisations de combat qui n'étaient pas affiliées aux nôtres et qui nous donnèrent beaucoup de mal. Ces égarés, tout en prodiguant follement leur propre vie, faisaient souvent avorter nos plans et retardaient notre reconstitution. Et sur toute cette agitation piétinait le Talon de Fer, marchant impassible vers son but, secouant tout le tissu social, émondant les mercenaires, les castes ouvrières et les services secrets pour en chasser les camarades, punissant sans haine et sans pitié, acceptant toutes les représailles et remplissant les vides aussi vite qu'ils se produisaient dans sa ligne de combat. Parallèlement, Ernest et les autres chefs travaillaient ferme à réorganiser les forces de la Révolution. On comprendra l'ampleur de cette tâche en tenant compte de... Ici finit le manuscrit Everhart. Il s'arrête brusquement au milieu d'une phrase. Avis dut être informé de l'arrivée des mercenaires, puisqu'elle eut le temps de mettre le manuscrit en sûreté avant sa fuite ou sa capture. Il est regrettable qu'elle n'ait pas survécu pour l'achever, sans quoi elle aurait certainement éclairci le mystère qui, depuis 700 ans, enveloppe l'exécution d'Ernest Everhart. My nectar is asleep, and the combo went back to New York. C'était Jack London par Geneviève Ladouès, avec Simone Chambon, Jacques Darras, Pierre Lagayette. Les textes de Jack London étaient lus par Jean-Luc de Baptiste. Prise de son et mixage, Jean-Louis Boissonnade. Réalisation, Isabelle Huel. The piano has been drinking, and the menu. can't see out of the other. And a piano tune has got a hearing aid and showed up with his mother. And a piano has been drinking. And a piano has been drinking as the bouncer is a sumo wrestler, cream puff Casper milk toast, and the owner is a mental midget with a IQ of fence post. The piano has been drinking. C'était Une vie, une œuvre, Jack London, par Geneviève Ladouès et Isabelle Huel. Cette émission a été diffusée la première fois le 14 décembre 1989 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.